volant dans les cieux, des êtres étranges ailés, aux reflets merveilleux du soleil qui brillait, dessiné sur le sol, un chant divinatoire et d'étranges symboles que personne ne pouvait voir. Des chants psychédéliques s'élevaient à perte de vue, des forts et bucoliques, des plantes rares et velues chantaient comme un accord, un hymne inconvenu, des sons si fantastiques d'acoustique perdue, le parfum absolu, un cantique à la vie, la belle mer de vie, une lune atomique qui côtoie les planètes, aux formes incongrues qui s'attirent et qui lancent le plus beau des points de vue. Hey sur des lacs cristallines, le sirène dansait sur les champs déserts, se croisait plongé de l'air à l'eau gonflée, comme une montgolfière, des fruits qui s'envolaient et venaient exploser au firmament du ciel, en laissant s'échapper les semences du bonheur, en venant féconder les arbres sans couleur, plongeant au ras du sol, vous pourrez apercevoir un tas de bêtes mâles qui se fichent du désespoir, qui se donnent à cœur perdu à ne rien faire du tout, à boire ce qui a plu, à manger si ce fut. Quand le soleil se couche, les lumières apothéoses, les insectes, les mouches, le plat que vers le rose, le spectre de toutes les couleurs se mélange sur un ton libre, et les pétales de toutes les fleurs perdent leur base et délivre. Jamais vu ces décors enchanteurs, c'est qu'il n'a jamais plu au fond de votre cœur. Les rêves tourmentés par les décors sublimes, la vie inachevée d'un être humain infirme qui laisse écouter son sommeil et abîme la faculté inné d'un imaginaire intime, celui des formes chaudes, des couleurs impossibles, de un cerveau morose ne pourrait s'y souvenir. Lâchez vos préjugés, perdez-vous dans l'espace, venez rejoignez la blague et les glaces, la jungle aux mille formes, les pyramides souples, les forêts de colonnes, les bandes de pierres poulpes. Allez, rejoignez la folie des grands